qui me consolera. Moi seul a dit l'étude, j'ai des secrets nombreux pour animer tes jours. Les livres ont dès lors peuplé ma solitude, et j'ai appris que tout pleure et je pleurerai toujours. Qui me consolera? Qui me consolera? Qui me consolera? Qui me consolera? Moi m'a dit la parure, voici des nœuds du phare, des perles et de l'or. J'essayais sur moi l'innocente imposture, mais je parais mon deuil et je pleurais encore. Qui me consolera? Qui me consolera? De lointaines fleurs, mais tout est pris encore de mes premiers ombrages, les ombrages nouveaux n'ont caché que mes pleurs. Qui me consolera? Personne, ni leur voix ni ta voix, mais descend dans ton cœur. Le secret qui guérit, mais quand toi Dieu le donne, si Dieu te l'a repris, va, renonce au bonheur, renonce au bonheur.